présent, pour les amis lions, que va nous dire le Béline, l'oracle de Béline? Quel est son message pour le mois de mai 2022 pour nos amis lions? Alors les lions, bah, ils cherchent la satisfaction, le confort, le bien-être. Alors on va voir le tirage pour le mois de mai 2022. Quel est le message de l'oracle? Pour les lions. Alors, c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions, amis lions. Vous avez envie, vous en avez un peu marre, ou ces derniers temps, dans le passé proche, vous avez pu en avoir assez de votre vie quotidienne, que ce soit au travail ou dans vos activités en général, et vous avez vraiment eu besoin, envie de partir, de changer d'air, de changer d'atmosphère, de changer de décor, de vous aérer, parce que c'est vrai que vous n'aimez pas trop la routine. Et donc, ce qui rayonne sur le jeu, c'est qu'en même temps, vous ne savez pas vraiment où aller, que faire et qu'est-ce qui vous ferait vraiment du bien. C'est une petite période au mois de mai, ici, où vous êtes un petit peu dans certains questionnements, dans une certaine... une petite déprime, on va, attention, il ne faut pas aller trop loin, hein, mais une petite déprime, hein, une petite mélancolie. Et vous avez l'impression que vous n'avancez pas comme vous le voudriez. Il y a beaucoup d'insatisfaction. Et pourtant, par rapport à ces insatisfactions, à cette roue qui ne tourne pas pour vous pour l'instant, alors que vous le méritez et vous ne faites vraiment rien pour cela, c'est juste la chance qui doit revenir un petit peu pour vous, un petit peu vous encenser, et elle arrive. Alors elle arrive plutôt vers la fin du mois de mai, mais il va y avoir une bonne nouvelle, il va y avoir un souffle neuf dans votre ciel, qui, dans votre vie, qui va vous permettre de retrouver votre enthousiasme et votre dynamisme qui est quand même typique de votre signe. Alors patience, aérez-vous un petit peu si vous en avez la possibilité. Ne vous inquiétez pas si vous vous levez le matin avec trop de questionnements. Les bonnes choses reviennent et les choses vont se débloquer de nouveau pour vous. Donc bon courage à Milion.